الشهر يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الكتاب العقلانيين يتكلمون زورا وبهتانا في مقام الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه ليس من جملة الصحابة لأنه أسلم بعد الفتح. فما هو قول سماحتكم وكيف الرد على شبهتهم؟ هذا قول باطل وقائله ضال مضل مكذب للحق منكر للحق. معاوية بن أبي سفيان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مؤرخون إنه أسلم عام 6 وأخفى إسلامه على أبيه، وقال أم أخفي إسلامك لا يبقى أبوك النفقة، ثم علم أبوه بإسلامه فقال لماذا؟ قال ما آلي بنفسه إلا خيرا، وأنه أعلن إسلامه عام الفتح. هو كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه أمير على الشام بأيام الصديق وعمر وعثمان، جمع له عمر بين لما قبل أخوه زيد بن سفيان بين الشام كله، فأصبح أمير على الشام في عهد عمر وفي عهد عثمان، ورضيه الصحابة ورضيه المسلمون إماما لهم عام 40 بعد تنازل حسن بن علي عن الخلافة، وخلافته وهو أول ملوك الإسلام، وخلافته كلها خير وبركة، معروف بالحلم والصبح والعفو، معروف بالأخلاق الطيبة والسيرة النبيلة، فهو صحابي ابن صحابي ابن أمه صحابية رضي الله عنه وأرضاه، والمسلمون مجمعون على أنه أول ملوك الإسلام، وأنه خليفة من خلفاء المسلمين، وأن بيعته بيعة حق، وأنه أحد أئمة المسلمين وفقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. أحسنتم. ويقول أيضا السائل، يقول أيضا في سؤال، يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فلا شك أن المنفقين والمجاهدين قبل أفضل، لكن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. أحسنتم. يقول أيضا السائل، يقول: ما رأيكم في أيضا في قول القائل وحين يركل معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدنى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أعظم من كل نجاح. هل هذا الكلام من جملة سب الصحابة؟ هذا كلام باطني خبيث أو يهودي لعين، ما يتكلم بها المسلم. عمرو بن العاص سيدنا ولد في الجنة، ومعاوية من فضلاء الصحابة، وهم رياضها الدين وتقوى وصلاح، لا يشك مسلم فيهم، وما فعلوا شيئا يعاب عليهم، وكل ما قاله أولئك فمجرد فرية وكذب وتضليل وعياذ بالله عنوان نفاق ممن قاله. Nous traduisons ici deux fatwas importantes de son éminence le Cheikh Mufti du Royaume de l'Arabie Saoudite, Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh Hafidhullah. Elles concernent des propos de Sayyid Qutb, le fameux auteur égyptien qui avait composé des livres qui regorgent de fautes et d'égarements. Or, certaines personnes s'accrochent à des propos anciens de certains savants, dont des propos du Mufti Hafidhullah, qui peut répondre à un certain moment d'après ce qu'il savait d'une personne ou d'une secte, mais il est sujet à changer son avis quand il étudie davantage telle ou telle question. Donc, il ne faut pas faire des erreurs des savants, des arguments ou un minhaj à suivre. Et puis, celui qui sait est une preuve par rapport à celui qui ne sait pas tel détail ou telle question. Et au sujet de Sayyid Qutb, les savants comme l'Uthaymin, par exemple, renvoient au livre des Mashaykh Abdullah Dwish et Rabi' al-Madkhali, qui en savent plus long sur les écrits de Ibn Qutb. Cheikh Fawzan, Hafidhullah, avait composé des préfaces à certains livres de Rabi' ibn Hadi. Et Cheikh Albani avait écrit un commentaire comme quoi les réfutations de Cheikh Rabi' al-Madkhali au sujet des livres de Ibn Qutb sont bien fondées et véridiques, et qu'elle montre que Sayyid Qutb méconnaissait les fondements et les embranchements de l'islam. Passons maintenant à la première fatwa. La question: qu'Allah vous comble de bien il est apparu ces derniers temps certains écrivains rationnels qui profèrent le mensonge et le faux à l'égard du noble compagnon Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agréé. Et cet écrivain prétend qu'il ne fait pas partie de la totalité des compagnons, du moment qu'il ne s'était converti à l'islam qu'après Al-Fath, la conquête de la Mecque. Quelle est donc la réponse de votre éminence et comment riposter à leur ambiguïté, Shubha? La réponse du Mufti Hafidhahullah. Ceci est une parole fausse, et son auteur est un égaré, égarant d'autres. Il renie le vrai et il le dément. Muawiyah ibn Abi Sufyan est bien l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains auteurs rapportent qu'il se serait converti à l'islam en l'an 6 et qu'il avait dissimulé cela vis-à-vis de son père. Certains lui avaient fait conseil de déguiser sa conversion de crainte que son père ne lui suspende ses dépenses. Par la suite, son père eut vent de cette nouvelle et lui demanda pourquoi avait-il agi de la sorte. Il répondit qu'il n'avait tenu de promesse sur lui-même que pour le bien et il avait déclaré sa conversion en l'année de Al-Fath, la conquête de la Mecque. Il est un scribe de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Katibul Wahi. Il est qu'Allah l'agréé un émir sur le Sham durant les jours de As-Siddiq, Omar et Uthman. Quand son frère Zayd ibn Abi Sufyan mourut, Omar le chargea de gouverner tout le Sham. C'est alors qu'il devint émir pour tout le Sham durant l'ère de Omar et celle de Uthman. Les compagnons ainsi que tous les musulmans l'avaient agréé comme imam en l'an 40 quand Al-Hassan ibn Ali lui abdiqua Al-Khilafa, le calife. Il est le premier parmi les rois de l'islam, Awwal Muluk al-Islam. Sa Khilafa, son règne, était tout de bien et de bénédiction, Khayrun wa Baraka. Il est réputé par la patience, le pardon, l'excuse, est aussi connu par les bons comportements et par la bonne conduite, car il est un compagnon fils de compagnon, et sa mère aussi est une compagne, qu'Allah les agrée tous et qu'ils réalisent leur agrément. Les musulmans sont unanimes, qu'il est le premier roi en islam, qu'il est khalifa, calife, parmi les califes musulmans, que son allégeance, bay'a, est véridique, et que c'est l'un des imams des musulmans et parmi les savants fuqaha des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée et fasse son agrément. Et Allah dit: on ne peut pas comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête de la Mecque. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Surat al-Hadid, verset numéro 10. La yassawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Il est indéniable que ceux qui avaient dépensé et combattu avant al-fath, avant la conquête de la Mecque, sont meilleurs. Mais pour tous, Allah avait promis Al-Husna, le rang le plus élevé au paradis. Passons maintenant à la seconde fatwa. La question: qu'Allah vous fasse du bien, le questionneur demande aussi quel est votre avis quant à celui qui dit: et lorsque Muawiyah et son camarade Amr se soumettent pour user du mensonge, de la fraude, de la manigance, de l'hypocrisie, des pots de vin et de s'acheter des personnes, alors Ali ne peut pas descendre jusqu'à ce stade très bas. Pas étonnant donc qu'il réussisse et que lui, il échoue. Et c'est un échec plus valeureux que tout succès. Fin de sa citation. Est-ce que ce genre de paroles relève globalement de l'injure contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse du Cheikh Mufti Hafdallahu ta'ala: ceci est le propos d'un batini pervers ou d'un juif maudit. Note du traducteur: Batini est un adepte de la secte rafidite de Al-Batiniya, secte hypocrite, affichant l'islam et se permettant tous les péchés, car au fond, Al-Batin, ils ont la mécréance, Al-Kufr. Le cheikh répondait donc, ceci est le propos d'un Batini pervers ou d'un juif maudit. Un musulman ne saurait s'exprimer de la sorte. Le prophète avait attesté que Amr ibn al-As est au paradis. Et Muawiyah est parmi les compagnons les plus valeureux. Et s'agissant de leur dîne, de leur religion, de leur piété taqwa, de leur vertu salah, le musulman ne les soupçonne guère là-dessus. Ils n'ont rien fait de blâmable. Et tout ce que leurs détracteurs racontent à leur compte n'est que imposture, mensonge et tentative d'égarer les gens. Et qu'Allah nous protège, c'est le signe de l'hypocrisie de celui qui le profère.